Franz von Gaudi. Le jour de naissance du vieux garçon. Une lettre de mon pupille, une bien douce parenté, les papiers bleus sans estampille me bombardent de tous côtés. De ces plaintes, le sens profane est « Envoyez-moi des ducats, j'irai demander à Suzanne ce qu'elle dit de ce fatras. » Peste, des vers, quel tatouage! Ce garçon-là devient rimeur, vers longs et courts, mais qu'aperçois-je? Votre naissance, un grand bonheur pour le printemps qui se pavane. Ah, quel jeune homme plein d'esprit! Je veux demander à Suzanne ce qu'elle dit de cet écrit. C'est juste, j'ai la soixantaine, d'y songer, je n'ai pris le temps. Silence, de la cinquantaine, partout on m'a donné les gants. Je ne bois guère de tisane, qu'importe un ou deux cheveux gris. Mais je veux savoir de Suzanne quel âge porte mon souris. Allons, dis du cas aux pupilles, qui sait, le gars du talent. Au filleul qui fait ma famille, je dois faire un petit présent. Pour éviter qu'on me chicane, j'irai tantôt voir mon caissier. Pourtant, demandons à Suzanne si je ne suis pas dépensier. Suzanne est fort intelligente, mais je hais les fâcheux propos. Me blâme-t-elle en lui brocante une robe de mérino? Nul ne pourra me mettre en panne, je suis un oison bridé. Je ne prends avis de Suzanne que pour suivre un bon procédé. Mon Bouvreuil siffle à voix légère le God save pour un cadeau. À la pécore qui m'est chère, de sucre échoite un grand morceau. Après-midi, je prends ma canne et me promène au pavillon. Mais je veux savoir de Suzanne si jusqu'au soir il fera bon. Nous préférons Suzanne l'intelligente à la complaisante Babette. L'Amazone, romance allégorique. Je vis tantôt, c'était en rêve, un bien rare et plaisant cas. Sur un bidet roidi par l'âge, qui, se coulant pas à pas à chaque ortie, à chaque épine, accrochait quatre échalas, trônait une femme endormie qui pourtant ne glissait pas. À rebours, elle était assise et tenait le fouet en main. Elle branlait à droite, à gauche, marmottant tout le chemin. Je saisis peu de ses paroles, de plus, je n'y compris rien. D'ailleurs, je passais la revue de son habit d'arlequin. Je n'ai jamais vu de ma vie resplendir tant de couleurs. L'arc-en-ciel auprès de sa jupe semblait atteint de pâleur. Petit chiffon, vaste guenille, cousu avec un bonheur. D'un tel habit, veuillez me dire, le phénoménal auteur. Le front de cette noble dame était magnifique à voir. Sa nuque, en avant recourbée, désenmarquait le pouvoir. Les rides de leurs mains crochues avaient plissé son miroir. Mais on voyait que sa vieillesse pouvait fleurir jusqu'au soir. La dame parut éveillée. Je dis du ton le plus bas, « Vous êtes, si je ne me trompe, Madame Germania, jusqu'à l'an 9e du siècle, ainsi m'appelais-je, Ouida. Et maintenant, je suis nommée marquise d'etc. Je veux bien. » Mais, noble Amazone, quel fabuleux animal montez-vous, usé de fatigue, épaules et boîte bancale. Voyez, mais non, c'est impossible, la bouche de ce cheval, il n'avance pas plus que souche, vous vous en trouverez mal. Novateur plein de suffisance, quel orgueil de charlatan vous fait décrier ma monture, mon généreux alezan? Depuis de bien longues années, il me prête son divan. Il produit pour chef de famille le vénérable Trentran. Éternité. Dans un couvent du pays suédois, debout aux confins des marches de Finlande, pour protéger les tenants de la croix, vivait quelques jours, une épaisse guirlande couvre ce dit, Pierre le Creusot-Fond, un maître dans l'art de conter la légende. Les doux accents dont le vol vagabond tissu de soupirs traverse les nuages, son grand esprit les retenait au long, lisait l'avenir au sable des rivages, du zodiaque ennemis ou bénin, les aspects offerts à l'enfant de ses plages, puis la vertu des anneaux féminins quand ils sont placés sous le charme des runes et les versets aux modes léonins. La sève qui monte aux plantes peu communes. Il savait tout, racines, graines, noyaux, et le poison lent des belladones brunes, où, comme un astre au nocturne bandeau repliait sa tête en taches nébuleuses, l'humilité ne fut pas son joyau. Un jour de soleil et d'aube lumineuse, Pierre sortit pensif de son couvent. C'était au printemps, époque bienheureuse. Sous la feuillée, un ramage mouvant, sur le bleu du ciel, pas la moindre nuée. Le moine alors lève un regard fervent. Ta joie, ô Seigneur, ainsi s'est graduée. L'automne suit l'été, tant que l'hiver éparpille aux champs sa neige habituée. Pourtant, ce qui rend mon esprit amer, c'est l'éternité, cette idée infinie, dont un Dieu seul peut mesurer la mer. Je le sens déjà, ma foi s'est désunie. Dieu, prends pitié, donne vite un appui où mon être vil cramponne son génie. Je ne crains point la mort, je ne la fuis, mais l'éternité, voilà ce qui m'écrase. L'éternité, l'immortel aujourd'hui. Ni paix, ni sommeil, ni plaisir qui m'embrase, mais sur ta gloire, et sans fin ni répit, attachés des yeux éclairés par l'extase. Éternité, mot qui brouille l'esprit, à qui lentement vont des heures fatales, naisse un bourreau qu'un éternel ennuie. Il lève les yeux, les forêts boréales ont disparu, les sapins résineux ont cédé la place aux fleurs orientales. Le cèdre vert se berce dans les cieux, de joyeux palmiers balancent leur couronne, la fleur d'orange étincelle de feu. Suis-je transporté dans de nouvelles zones, se dit le moine, et pourquoi ces buissons dans notre Suède aux glaciales colonnes? Soudain éclate une suite de sons, comme d'un beau cygne au sud faisant voyage, comme un chant d'elfe aux amoureux frissons. Un oiseau doré de chatoyant plumage, du paradis radieux tournesol, s'abat aux palmiers en froissant le feuillage. Il chante, on croit entendre dans son vol le doux vent du soir effleuré de la lèvre, les fibres d'or de la harpe d'Éole. Et tantôt plaintive, ainsi que dans la fièvre, glisse la note au front de l'écouteur. Joyeuse tantôt comme un petit de chèvre, dans l'allégresse ainsi que le vainqueur, dans l'affliction comme la pauvre mère ayant perdu son fils, son seul bonheur. Et le moine prête oreille à sa chimère, des pleurs aux yeux, si le chant est plaintif, sourire au menton, si douce est la prière. L'oiseau se tait, et d'un sein expansif surgit ce soupir. Oh, que ne puis-je entendre l'éternité, ce chantre persuasif. Il songe au retour et fuit le palissandre pour les sapins au sombre canevas. Déjà retentit le cri de la calandre. Sur la lisière, il s'arrête bien là. Mais son monastère, est-ce vraiment le dôme bien loin duquel il a porté ses pas? Le clocher noirci lui paraît un fantôme. Un jet de lierre entoure le beffroi. La fleur du genêt lui souffle son arôme. Les vieux vitraux sont dans le désarroi. Sur le banc de roc, la mousse s'accumule. L'image sainte accote la paroi. Le moine, à la hâte, accourt à sa cellule. Comment trouver la trace de son clos? Un long mur se dresse au lieu du vestibule. De sa poitrine où luttent les sanglots, un cri sort. Bientôt la confrérie arrive. Il les regarde et ne peut dire un mot. Les frères, surpris, s'arrêtent sous l'ogive. Sur l'étranger, ils fixent leur regard. Son air effaré, sa plainte les captive. « Où donc est Jean, frère? Ayez égard, j'en veux aux prieurs, » dit Pierre qui palpite. « Tous les anciens restent-ils à l'écart ?» Et le plus âgé du peuple cénobite. « Pis est le nom du prévôt. Dis-moi donc quel motif léger vers nous te précipite ?» Je suis chez moi, Pierre, dit Creuse au fond, qui tantôt passa dans la forêt voisine. Je ne mens pas, vous savez bien que non. Le vieillard reprend. La chronique augustine nous fait savoir que, passé bien 1000 ans, un tel dans les bois a trouvé sa ruine. Serait-ce toi? Bien autres sont les temps. Mais quand le vieil homme est réduit en poussière, notre Seigneur recueille ses enfants. Pierre joint alors les mains pour la prière. Je suis indigne, ô Dieu vivant flambeau, d'approcher du seuil de ton pur sanctuaire. L'éternité me parut un tombeau pour te contempler dans le sein de ta gloire lorsque mille ans j'écoutais cet oiseau. Mes frères, adieu, j'emporte mon grimoire dans la forêt où j'entendis le chant du beau messager de la porte d'ivoire. Il dit, bientôt on le vit trébuchant. Alors s'écoula le songe séculaire et d'un cadavre une âme alla bien loin. Les moines en rond murmuraient leurs prières. Distances incommensurables, abîmes des monts et des cieux, vos mystères inépuisables se sont révélés à mes yeux. J'ai roulé dans mes veaux sublimes plus de vagues que tes abîmes n'enroulent aux mers en courroux. Et vous, soleils aux yeux de flamme, le regard brûlant de mon âme s'est élevé plus haut que vous. Lamartine.